vas se balader. Senti quoi les anges vous datez. J'ai pas d'amis à ni santé. Non ça y est la mif qui a blindé. Plus de place comme sur le rinté. J'y croyais peut-être qu'on allait se taire. Comme si on avait la même mère. Et même sous ces R on les serre. Ces billets francs c'est ma pésère. J'porte Louis Gucci cache misère. Un casse-pipe, une prière. Un casse-père, un cheater. Un million, on se libère. Tu vendais la meilleure com, tu fais des chromes pour du com. QLF on veut le trône dans la jungle en des hommes. T'as goûté à la vie, regoûte à la merde. Elle me kiffe pas, elle kiffe la vie, la s'offre à l'enfer. Penche-toi sur mon présent, bitch, dans ton cul, j'vois l'avenir. Le temps passe, m'impatiente, j'me calme dans quelques sourires. J'veux du bif, la chatte à ton père. Depuis petit peu, c'est très grand qu'on pense, mon gland, mes couilles. J'me repère, j'sais ce que j'veux, j'laisse le temps au temps, y'a tant de haine. À la base, c'est la merde, paye, argent comptant, on campe. Dans ton camp, pas de solution, j'garde la balle, ouais. Ça caille en bas du patch, ficelle, l'hiver. Les doigts qui claquent, pas les couilles, un cœur de pierre, égo, j'me balade. Ombre, ombre, j'suis dans la rue sombre, j'ai commencé tout seul, égoïsé, t'es pas là. J'ai vendu chaque soir, les doigts qui comptent. Avec un air vénère déterminé. Solo depuis l'époque du verre pilé. Donc toi viens pas me dire que je fais la gueule pour rien. J'oublie pas que c'est un jour t'as tout, demain t'as plus rien. Je la connais en large, en long, en travers. Ah ah ah. Faut que je demande pardon à Dieu car j'ai fait du sale. Feu dans tous ces fils de pute de merde. Si je finis en cellule c'est que je refuse le F2. Je pars en casse-pique pour la mif, j'ai pas d'horaire.